Adam et Ève, souvenirs de Ceylan, par A. de Gériol. Comme un paradis de fleurs et de palmes, Ceylan la mystérieuse et la divine, Ceylan la merveilleuse cérébandie de Scheherazade, apparaît dans les brumes bleues de l'horizon, et déjà, terre surchauffée par les grands soleils, elle nous envoie, portée par la brise tiède, ses lourds parfums tropicaux. Sur les eaux, à perte de vue, un miroitement de gemmes pourprées éblouissant reflet du chaos de lumière et de couleurs de ce ciel équatorial. Une terre se dessine, où les cocotiers, sveltes et rigides, plantent leurs pieds dans la vague et lancent vers l'éther leur panache frémissant. De profondes couches d'infusoires font la mer toute vermeille, et c'est comme une ceinture de rubis en serrant les flancs de l'île. Tout est fête, vie exubérante dans cette nature cingalaise, et cependant, on ne sait quoi de suavement mélancolique vibre dans la moiteur de l'air, avec la palpitation gémissante de l'océan. La marée montante des indigènes, portée par des centaines de pirogues, nous envahit. Un grouillement d'êtres bronzés remue sur les flots autour de nous, et ce sont des cris, des appels assourdissants. Originales et charmantes ces pirogues, creusées dans des troncs d'arbres, cousues de lianes, sans un clou, sans une cheville. Un immense balancier préserve ces jolis joujoux de chavirement qui semblent sans cesse imminents. Se glisser dans ces étonnantes machines, excessivement profondes et étroites, presque entièrement hors de l'eau, est un miracle de gymnastique. Enfin, nous toucherons cet excellent plancher des vaches, toujours retrouvé avec délices, et prenons gîte dans un hôtel confortable où, pendant 2 jours, il ne sera question ni de roulis ni de tangage. Splendide salle à manger. Sous le balancement large des pancas éclatants, 200 ou 300 personnes de toutes races, de toutes couleurs, venues des 4 coins du monde, s'y rencontrent autour d'une table immense, noyée de lumière, écrasée de fleurs. Au plafond, de petits lézards, d'une singulière couleur rosée, courent, happant les moustiques au passage d'un mouvement vif. Autour de nous, serrés dans leurs minces jupes blanches, leurs cheveux d'ébène fluide, relevés en chignon par un peigne d'écaille, les serviteurs cingalais, graves et doux, glissent du pas silencieux de leurs pieds nus. Tout cela étrange, monde d'apparence irréelle, où l'on se sent loin, loin. Au matin, dès que l'aube se rose, arrivent les voitures au temps de lait blanc. Nuls paraissent, chacun est prêt. Respirer ou ne pas respirer aux heures fraîches, tout est là, dans ces pays d'inexorable chaleur. Nous traversons Colombo, vastes avenues irrégulières, baignées d'ombre par les ébeniers, les santals, les palmiers géants. Un fouillis de verdures extravagantes cache à demi les maisons splendides et blanches. Puis, c'est la ville noire au pied des cocotiers, hutte charmante sous des toits de nipa où s'étoilent quelques fleurs. Sur les seuils, les cingalais graciles, aux traits ariens, le torse nu et cambré, peignent de l'aube à la nuit leurs chevelures de femmes, ondoyantes et longues dont ils sont épris. Race heureuse, très simple, qui vit là, somnolente et rêveuse, des fruits de cocotiers et de bananes roses, n'ayant qu'un devoir poétique et charmant. Apporter, chaque soir, à l'appel des gongs sacrés, l'offrande des fleurs de sampac et de frangipane, au Bouddha accroupi sur le lotus d'or, les yeux entreclos et sur les lèvres un inquiétant sourire. Les femmes cingalaises, moins belles que les hommes, mais infiniment gracieuses, drapées dans leurs pagnes multicolores, ont l'air, sur ce front de verdure, de géantes fleurs créées par ce sol de feu. Nous suivons maintenant dans la forêt une route rouge qui conduit au jardin de la cannelle. Des cingalais courent autour de nous, le coude serré au corps, la main tendue, mendiant. Pourquoi ? Pourquoi dans cette richesse du sol, dans cette facilité de vie ? Ta honteuse de l'Orient, qui atteint même cette race charmante, et c'est une anomalie, pénible à voir, que ces êtres au fier et mélancolique visage, ainsi abaissés. Sur le fond d'émeraude d'une verdure outrée, flambent de monstrueuses fleurs sanglantes au parfum entêtant. Çà et là, sous les ombres longues des bambous, de grands étangs endormis, si fleuris de lotus roses que l'eau ne s'y devine par plaques qu'aux éclats du soleil réfléchi. Voici le jardin de la cannelle. Quelques enfants de 12 à 15 ans, éphèbes de bronze mat, d'une beauté antique, nous offrent l'eau fraîche des cocos et des fruits d'une saveur exquise. Devant nous, le plus merveilleux des paysages connus se déploie dans un embrasement de lumière, dans une splendeur de rêve, coin d'univers divinement beau, où la pensée évoque d'elle-même le paradis terrestre qui placèrent les antiques légendes. Dans un cercle de montagnes azurées, une vallée immense, délicieuse, traversée par un fleuve étrange, tout grouillant de crocodiles, qui roule ses eaux lourdes d'un seul jet puissant de plomb en fusion, sans une ride. De la terre humide et chaude sort, dans une poussée furieuse de vie, une végétation extravagante. Les araignées, les cocotiers s'élancent, géants triomphants, vers le soleil créateur, et les bambous, dans le bruit doux de leurs feuilles froissées, tremblent leur éternel tremblement. À l'horizon, le pic d'Adam, baigné d'ombre violette, s'élève à 600 mètres d'altitude. C'est de ce sommet, dit la légende, que lorsque fut terminée le grand œuvre terrestre, Jéhovah, satisfait de sa création, prit le formidable élan qu'il rejeta dans le ciel, laissant sur le roc l'empreinte de son pied divin. On admire, on se tait, et l'âme prise par l'intense séduction de ce monde inconnu remonte d'âge en âge, de rêve en rêve, jusqu'à la grande scène paradisiaque où, dans leur jeune beauté, Adam et Ève apparurent. Croyez-vous au bonheur absolu dans ce monde ? Me demanda à brûle-rêverie mon compagnon, jeune lieutenant, qui en est à son quatrième voyage dans l'Inde et met à ma disposition sa précieuse expérience avec la grâce courtoise des officiers de marine. Au bonheur absolu, jamais de la vie. Eh bien, allons voir Adam et Ève. Et vous croirez, mon cher saint Thomas. Qu'est-ce que cela, Adam et Ève ? Une des curiosités de l'île, que tous les voyageurs connaissent. Un couple fort intéressant, je vous assure. Mais enfin, donnez-moi quelques détails. Non, je vais vous laisser la surprise, partons. Nous reprîmes place dans la voiture. La chaleur était un peu tombée. Partout un épanouissement fou de palmes d'un vert violent, de fougères géantes, faisant songer aux végétations inouïes et sublimes des commencements. Et partout, dans la grande lumière, des papillons pailletés, des milliers de perruches vertes traversent l'air avec des étincellements de pierreries. Halte, nous sommes arrivés. Sous une touffe de bambou entourée par un bois de cocotiers, une case toute fleurie. À l'entrée, assis sur un banc, deux étranges vieillards, deux Européens, un homme et une femme. L'homme, grand avec un reste de beauté mâle dans les traits, la femme, de taille moyenne, presque séchée dans sa jupe cingalaise, les cheveux flottants, blonds encore, d'un blond indigent et déteint, et ce singulier couple portant autour de la taille, au-dessus de l'étroite jupe, une ceinture de large feuillage. Comme perdu dans un rêve heureux, il se tenait par la main. À notre approche, ils semblèrent se réveiller. D'un même mouvement traînant et doux, ils s'avancèrent vers nous, souriant, et dans un anglais très pur, nous offrirent gracieusement d'entrer dans leur case pour nous y rafraîchir. Je demeurai abasourdi de leurs allures, mais mon ami, s'adressant à la femme, lui dit « Salut, Ève, ma mère. Votre fils est satisfait de vous retrouver toujours aussi heureuse dans l'Éden qui vous a été donné pour demeure. » La vieille femme se retourna vers son compagnon, dont elle chercha de nouveau la main. « Oui, nous sommes heureux, » répondit-elle, « heureux toujours. Rien ne trouble plus notre paix éternelle. Le serpent, lassé de me tenter inutilement, n'approche même plus de notre paradis, et nous voyons nos enfants, superbement beaux, divinement bons, peupler le monde. » Le lieutenant se tourna vers le vieillard. « Et jusqu'à quand, mon père Adam, jouirez-vous de cette félicité et vivrez-vous dans cette terre de délices ?» Le vieil homme leva les yeux au ciel comme pour y chercher un souvenir, une image disparue, et répondit. Lorsque, pour s'élever dans les cieux, mon Seigneur posa le pied sur le pic sacré, il me parla ainsi. Adam, mon fils bien-aimé, tu aimeras comme toi-même Ève, la compagne que je te laisse. Tu l'envelopperas de ton âme pour que rien ne la heurte, ne la blesse, et de vous naîtra l'humanité tout entière. Je vous donne ce paradis, presque semblable au mien, et vous y demeurerez éternellement ensemble, si Ève résiste au serpent qui la tentera. » Il appuya sa compagne sur son cœur et la regardant avec une inexprimable tendresse. « Elle a vaincu, » dit-il. Les deux vieillards, les mains toujours nouées, de nouveau emportés par leur ineffable chimère, avaient oublié notre présence. Dans l'harmonie des choses environnantes, ils écoutaient, extasiés, le chant de leur vieil et naïf amour. Nous roulions en hâte vers Colombo. Mon compagnon me regardait en souriant. « Comme vous voilà rêveur, » me dit-il. « Où en êtes-vous de votre belle théorie sur l'impossibilité du bonheur absolu ? Adam et Ève ne vous ont-ils pas convertis ? » Voilà deux êtres qui en sont restés au temps paradisiaque. se croient toujours jeunes, toujours charmants, et s'adorent avec la foi de leur immortalité. Vraiment, vraiment, n'ont-ils pas atteint cet absolu du bonheur que vous niiez tout à l'heure? Ajoutez, et ces êtres voient dans tous les hommes leurs enfants, également beaux, également bons. Certes, cela prouve qu'en eux l'illusion atteint des limites invraisemblables. Cependant, je ne reste pas moins ferme dans ma négation, et constate seulement que je suis venu bien loin, chercher une exception qui confirme la règle. D'ailleurs, ces créatures, si parfaitement heureuses, le sont dans des conditions tout à fait anormales. Ce sont des fous, et quelle étrange folie en vérité que cette folie semblable, saisissant deux individus au même moment et produisant en eux des phénomènes absolument analogues. Effet de l'identité de vie et de sentiment beaucoup moins rare que vous ne pouvez le croire, et dont la science enregistre des exemples nombreux. Alors, voyons l'histoire, car il y a une histoire, naturellement. J'allume un cigare et je vous écoute. Certainement, il y a une histoire, courte et simple, que tout le monde connaît ici. Ces braves gens, doucement fous, que nous venons de voir, étaient, il y a quelque 40 ans, un couple charmant de jeunes Anglais. La femme, belle et blonde, comme notre imprudente aïeule. Le mari, beau, fort et brun, comme notre trop complaisante aïeule. Ils étaient venus d'Angleterre à Ceylan pour recueillir l'héritage d'un oncle possesseur d'une riche plantation de thé. Son bungalow, habitation somptueuse, s'élevait à peu de distance de la hutte que nous venons de quitter. Tout le luxe des Indes y éclatait, avec tout le confort déjà introduit d'Europe. Pendant 2 ou 3 ans, les jeunes gens y vécurent, fort unis, fort heureux, de l'existence large des planteurs. Dès cette époque, on remarqua que leur esprit avait été singulièrement frappé par les vieilles légendes de l'île. Ils faisaient de fréquentes ascensions au pic d'Adam et en revenaient l'imagination enfiévrée. Parfois, comparant leur beauté à celle de nos premiers parents, ils se donnèrent le nom d'Adam et d'Ève. Puis, tout en se jouant, ils se parèrent comme eux de ceintures de feuillage. Ce jeu devint bientôt une innocente manie, et quelques ombres inquiétantes voilèrent leur intelligence très vive autrefois. Une catastrophe précipita le dénouement que l'on commençait à redouter. Une nuit, des pirates malais débarquèrent dans l'île. Ils se ruèrent sur l'habitation, la mirent à sac, et finalement la brûlèrent, après avoir massacré les serviteurs. Les jeunes maîtres avaient pu fuir, gagner à demi nu la forêt. Mais c'était fini, la raison avait sombré. Comme ils étaient inoffensifs, on les laissa libres de vivre leur douce vie dans cette case fleurie et de promener dans leur paradis les béatitudes de leur tendresse. Mon cigare s'était éteint et là-bas, dans une buée de poussière lumineuse, Colombo apparaissait. En toute hâte, nous traversâmes la ville. Mon compagnon me conduisait jusqu'au bord de l'Ava. Déjà, l'on appareillait. Si vous ne pouvez croire au bonheur absolu, du moins, rêvez-en, me dit-il dans son adieu. À l'horizon, un ciel pâle éclaboussé de braises d'or. Sur les eaux, une lueur rose indécise. La fin du jour s'alanguit, et dans la brise lente du soir, vient jusqu'à nous le parfum violent des fleurs précieuses et les bruits vagues de l'île qui s'endort. Brusquement, la nuit tombe. Le mince croissant de la lune se lève, cercle d'argent étrangement brisé, se balance dans l'éther. Tout se noie et s'effondre en de grandes ombrées veloutées. Seules, deux silhouettes falotes, se tenant par la main, passent et repassent devant mes yeux appesantis. 2 ans après, je retrouvai à Cherbourg le lieutenant X, retour du Japon. « Et nos vieux amis, lui demandai-je, où en sont-ils de leur bonheur ?»« Ils jouissent maintenant, en toute vérité, de celui qui ne finit jamais, » me répondit-il. Ils sont partis pour l'éternel voyage le même soir. Partis comme s'endorment les bons et les simples, le sourire aux lèvres, la main fidèle unie à la main fidèle. On les a couchés côte à côte sous la touffe de bambou qui ombrageait leur case. Vous souvenez-vous? Les oiseaux y chantent, les lianes y fleurissent, le sampa qui laisse flotter son encens. Et comme on les aimait. Lorsque, le soir, le Cingalais rêveur passe devant leur tombe, les bras chargés de l'offrande à Bouddha, ils laissent tomber pour eux de la lourde jonchée les étoiles odorantes de la frangipane et du jasmin. Il se tut, et ce fut dans mon esprit tout un rappel vibrant de terre rouge, d'humides forêts, de fleurs exquises et rares, d'êtres étranges, mélancoliques et doux. Scellant la divine, scellant l'île de mystère, se dressait devant moi, dans toute la magie ensorcelante de sa paradisiaque beauté, et sur le tertre fleuri où reposent mes amis d'un jour, je voyais s'incliner et gémir les palmes vertes des cocotiers, les branches folles des bambous bruissants. Ainsi s'achève Adam et Ève, souvenir de Scellant, par A. de Gériol.